Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de livres. On sait que c'est l'automne, c'est la saison des livres. Beaucoup, beaucoup de lancements de livres. Et la semaine passée, on a parlé avec Pat Côté qui lançait son livre dans l'Octogone aux éditions de l'Homme. Et là, c'est un autre livre qui va se lancer également aux éditions de l'Homme. C'est la carrière de Henri Richard. Henri Richard qui a gagné 11 Coupes Stanley. Et on va parler avec un des auteurs, c'est Léandre Normand. Bon après-midi, M. Normand. Bonjour et bonjour aussi à tes auditeurs. Monsieur Normand, première question. Il n'y avait pas de livre sur la carrière d'Henri Richard? Non, il n'y a jamais eu de biographie sur Henri Richard pour une bonne raison, c'est que Lise Richard, sa femme et ses enfants ont toujours refusé, de reprises d'ailleurs, de publier, et Henri lui-même, j'en parle d'ailleurs dans la préface du livre, là, dans la présentation du livre, Henri Richard a toujours refusé d'écrire ou de faire écrire sa biographie. Moi, je pensais parce qu'il avait toujours été dans l'ombre de son frère. C'était ça le mythe d'Henri Richard. Je pensais que ça avait... C'est exactement pour ça. Et c'est un peu l'histoire qu'on raconte dans le livre. Henri a toujours vécu, même lorsque Maurice a pris sa retraite, a toujours vécu dans l'ombre de Joachim. OK. Qu'est-ce qu'on raconte? Un hasard auquel les gens ne croiront pas, mais le livre se divise en 16 chapitres qui correspondent au numéro d'Henri. Alors, on raconte ses débuts lorsqu'il était tout jeune et son ambition d'imiter son frère, ses débuts dans les différents clubs d'école au niveau junior et ensuite, à 19 ans, son arrivée dans la Ligue nationale, et évidemment, tous les exploits qu'il a réussi quand même. Ces 11 coupes, on y raconte ces coupes, on y raconte aussi plusieurs faits marquants, plusieurs matchs mémorables, et la partie qui va intéresser beaucoup de personnes, qui est un peu innovante, que j'ai emprunté à Luc Gélina d'RDS, qui avait fait un livre avec l'histoire de Steve Bégin. Alors, chaque chapitre se divise en deux sections. OK. D'abord, on raconte les faits. Oui, on raconte les faits. Et en deuxième partie, ce sont les commentaires de Denis, soit de sa mère Lise, par rapport à ces événements qui se sont produits. OK. Est-ce que le projet, parce que c'est quand même un projet qui est assez long à monter, est-ce que ça avait été fait avant la mort de M. Richard? Parce que M. Richard est quand même décédé, quoi, au mois de mars à peu près? C'est ça, début mars. Est-ce que c'est... Ou ça s'est fait durant la pandémie? Ça s'est fait, le livre s'est écrit durant la pandémie, bien sûr, mais on a commencé avant le décès d'Henri. En fait, les premières rencontres, ça se fait novembre, je crois, ou début décembre, et Henri était toujours, évidemment, hospitalisé, là, ou en résidence, mais ça, donc, évidemment, malheureusement, à cause de sa maladie, on n'a pas vraiment une connaissance. Mais le livre a commencé là, et ensuite, on espérait pouvoir le sortir avant son décès, mais c'est pas arrivé pour les raisons qu'on connaît. C'est très regrettable dans le sens, mais évidemment, on a poursuivi. Et ce qui est admirable, c'est que même après, très immédiatement après le décès, Denis, son fils, là, qui en est l'auteur principal, là, en fait, j'ai prêté ma main pour écrire le bouquin, mais Lise ont continué de collaborer même durant les périodes difficiles, là, à la toute fin et les funérailles. Dites-moi, lorsqu'on parle de la carrière d'Henri Richard, ce qu'on parle, c'est évidemment le fait qu'il a, c'est un grand leader. Hein, c'est, dans le cas de Richard, c'est, est-ce que vous avez eu la chance de jaser avec ses anciens coéquipiers? Depuis, il a resté bien, c'est vrai qu'il a fini sa carrière tard. Mais est-ce que vous avez eu la chance de jaser? Ouais. Moi, il y a, par exemple, Régent Houle a toujours été très présent dans l'entourage de la famille. Il y a quand même quelques chapitres qui sont consacrés à la relation entre Régent et Henri dans le livre. Et évidemment, prends comme Ronald Coré qui a signé la préface, le visitait aussi quand même assez régulièrement, là, même jusqu'à la toute fin. Là. OK. Est-ce qu'on parle de sa fin de vie qui n'a pas été facile, là, l'Alzheimer, qui est une maladie assez foudroyante? Est-ce qu'on en parle comment c'est plus difficile pour la famille aussi? Oui, en fait, je pourrais dire, parce que j'ai personnellement appris quand même pas mal sur cette maladie-là, la maladie d'Alzheimer, c'est encore pire pour la famille que pour la personne elle-même qui en a moins connaissance un peu. Mais je reviens un peu sur Henri. Moi, j'ai découvert un homme excessivement aimant envers les enfants. Ça, c'est un trait marquant de son caractère. On en parle abondamment. On l'illustre même dans le livre. C'est une des qualités, en plus de son dynamisme, sa combativité au jeu. Si on prend le côté plus personnel, c'est une des caractéristiques qui ressort beaucoup d'Henri Richard. Très bien. Donc, c'est aux éditions de l'Homme. Le livre s'appelle... Le titre... Henri Richard, la légende du 11 Coupe Stanley. C'est disponible à partir du 7 octobre dans toutes les librairies. Donc, on peut penser que ça va être le 10 ici, parce qu'il y a toujours un décalage en raison de c'est en région et ainsi de suite. L'éloignement, je connais ça, je suis original de l'Abitibi. Bon. Tu sais, c'est quoi l'éloignement des régions? Mais dites-moi, vu qu'il n'y aura pas de salon du livre cette année, c'est un peu plate pour en faire la promotion. Souvent, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. En fait, là-dessus, je rends hommage aux éditions de l'Homme. Il faut être imaginatif pour les sorties, pour les lancements. Moi, je sais que j'ai eu parce que donc je suis assez actif comme toi sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai eu beaucoup de réactions. Je l'ai annoncé. J'ai eu beaucoup de réactions d'ailleurs en fonction de ça. Et je m'attends moi à ce que ce soit un gros succès parce que les gens sont heureux. Ils disent, enfin, on reconnaît Henri Richard. Un peu comme Serge Chavard l'année passée, parce que c'était surprenant qu'il n'y avait pas eu de biographie sur Serge Chavard. Puis moi, je veux te dire une affaire, je commence à en avoir lu pas mal des biographies de sport là. Et celle de Serge Chavard, c'est une des meilleures. Et Henri Richard, ça va promettre également. Mais alors, normalement, un gros merci. On se procure ça autour du 17 octobre. Ça veut dire probablement pas la semaine prochaine, l'autre aux éditions de l'Homme. Ça va être disponible ici à la librairie centrale de Boom Sassini. Un gros plaisir. Puis on vous espère beaucoup, beaucoup de ventes. Et un beau salut aux gens du coin. Ben, merci beaucoup. Léandre Normand, un des co-auteurs de la biographie sur Henri Richard.